Bon, alors je vais vous présenter rapidement Kumar Bandana. Donc Kumar est historienne spécialisée en histoire contemporaine. Elle travaille sur l'histoire culturelle et l'histoire des intellectuels en Tunisie au XIXe siècle. Elle est professeure à l'université de la Manouba à Tunis et chercheuse à l'Institut supérieur d'histoire de la Tunisie contemporaine, ex-Institut supérieur d'histoire du mouvement national. Il a changé de nom quand? Depuis 2011? Bah depuis de, après Après 2011, mais le, la 2011. loi, oui, La en loi 2000, oui. a changé de La nom. loi a changé de nom. Donc, Kumar Bendana est également chercheuse associée à l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, qui est une institution française à Tunis qui dépend du CNRS, où elle anime un séminaire de recherche sur les manuels scolaires de l'enseignement supérieur, pardon, de l'enseignement primaire dans la Tunisie contemporaine. Manuels scolaires de l'enseignement primaire dans la Tunisie contemporaine. Elle est membre du comité de rédaction de la revue Ibla à Tunis, de la revue Rawafid à la Manouba et de l'année du Maghreb à Aix-en-Provence. Tout au long de sa déjà longue carrière, elle a publié de nombreux ouvrages et articles dans des revues scientifiques tunisiennes et françaises, des contributions à des ouvrages collectifs. Et parmi ses derniers ouvrages, je citerai Ressources de la créativité, une expérience franco-tunisienne, qui a été publiée en 2015 aux éditions L'Harmattan, qui est un ouvrage publié avec deux autres auteurs, Sylvie Dallet et Fawila Laouani, où elle évoque entre autres la création de son blog. Elle a également tout récemment participé à un numéro hors série de la revue L'Histoire consacrée à l'histoire de la Tunisie. Elle a également participé dans le numéro hors série du Nouvel Observateur consacré aux Lumières à un entretien avec un journaliste. Et également, comme je le disais tout à l'heure, elle a également fait l'objet d'une émission de la Fabrique de l'Histoire sur France Culture consacrée à l'histoire à l'ère du numérique, qui a été diffusée le 29 janvier 2016, également disponible en podcast. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est vraiment un hasard qui veut que, lorsqu'on m'a demandé de présenter Kmar, il se trouve qu'en Tunisie, il y a une année, j'ai acheté dans une librairie à Carthage, parce que je connais Kmar de longue date, j'ai acheté son livre qui s'appelle Chronique d'une transition. Et ce livre-là, en fait, je me suis rendu compte, ben, c'est à l'origine de beaucoup de choses, de la création de son blog et de tout le débat que nous allons avoir avec elle concernant l'histoire en train de se faire, l'histoire du présent, etc. Donc, voilà, je pense que c'est tout pour ma part. Donc, je vais lui céder la parole en lui demandant ben, donc, de parler de son expérience de création de blog, de son contenu, de la réception, et de ses nouvelles pratiques et de la répercussion sur le travail de l'historien. Voilà, je lui laisse la parole. Merci beaucoup, merci Nicole pour cette introduction et merci au Labex Med de m'avoir invité aussi à ce dialogue, pas seulement entre nos deux pays, mais peut-être aussi avec Hedi Janet qui est un collègue. Voilà, mon exposé va. Je pense que, comme je parle un peu après Hedi, je crois que ça va être l'occasion de montrer à quel point l'histoire, qu'elle soit avec un grand H ou avec un petit H, c'est une histoire aussi de recoupement, de croisement. Et je vais essayer de montrer comment ces recoupements et ces croisements, dans mon exposé, qui va être un exposé sur mon expérience de chercheur. Hedi est un responsable aujourd'hui d'une institution nationale qui s'occupe des archives et je pense qu'on a entendu aussi les grands choix nationaux aujourd'hui de la Tunisie. Moi, je vais parler comme un chercheur qui est devant ses choix nationaux et comment est-ce qu'un chercheur se développe ou évolue, fait évoluer son travail, sa réflexion devant un système d'information, un système politique, et même un système de la connaissance, un système, ce que l'on appelle par exemple dans l'histoire, dans mon domaine, l'historiographie, c'est-à-dire la manière dont on a fait l'histoire. Et je pense que je vais beaucoup faire recouper ces choses-là qui se sont croisées dans mon parcours. Et je vais en accord avec Delphine Cavallo, avec qui je discute beaucoup, qui est quand même une compagne pied à pied dans une entreprise maintenant qui est mon blog, mais qui est aussi pour moi une sorte de cheval, quoi, enfin de monture, parce que j'avance un peu avec. Alors des fois ça s'arrête, des fois ça continue, etc. Et moi je suis très contente d'avoir ouvert ce blog parce qu'en fait ce blog aussi m'a ouvert une manière de travailler, une manière de réfléchir ou de m'ouvrir à des choses sur lesquelles je n'étais pas ouverte ou sur lesquelles je n'avais pas le temps de réfléchir, même si de temps en temps je touchais à des questions pas seulement de la technologie. C'est vrai que je vais vous parler un peu pour essayer de simplifier, parce que pour moi aussi c'est assez complexe. Simplifier ce retour sur mon parcours. En en discutant hier avec Delphine, je me suis dit que j'allais un peu axer, ou en tout cas construire, sur le rapport à ce qu'on pourrait dire la technologie, pour essayer de montrer comment est-ce qu'un chercheur se débrouille ou évolue avec les technologies qui lui arrivent, que ce soit la technologie. Je ne veux pas dire de l'écriture, parce que ce serait, mais c'est aussi, la technologie, l'écriture est aussi une technologie, le livre est une technologie. Moi je suis historienne de l'écrit et des intellectuels, et il faut aussi un peu se décaler dans le temps pour comprendre que même l'écriture est une technologie, même le livre est une technologie, même le journal est une technologie, et aujourd'hui l'ordinateur aussi est une technologie. Je ne veux pas parler aussi de l'affaire du stylo qui est une technologie, mais ça aussi, ce sont des voilà. Donc, la technologie dont je vais m'occuper aujourd'hui, pour essayer d'être centré sur le sujet, c'est la technologie informatique. Et la technologie informatique appliquée à la connaissance, mais par divers domaines, parce que la technologie appliquée à la connaissance, on voit bien aussi qu'elle peut intervenir à plusieurs niveaux. Et quand on est historien, la documentation, l'archive, est un niveau non seulement extrêmement important, mais c'est un niveau aussi extrêmement significatif dans la manière de poser les questions. Selon que vous avez accès à des archives ou pas, comment vous y avez accès, à quel moment de la recherche on y a accès, cela change les questions. Peut-être que ce que je dis semble un peu abstrait, je vais essayer de le rendre plus concret avec ce retour, comme j'ai dit, sur mon parcours. Dans mon parcours d'historienne, quand j'ai commencé à travailler en Tunisie, après avoir fait ma thèse, de manière assez classique, moi j'ai terminé ma thèse en 1981, quand je suis rentrée en Tunisie, il se préparait à ce moment-là un grand projet de recherche qui s'est appelé pendant longtemps Programme National de Recherche sur l'histoire du mouvement national. On était en 1981-1982. J'étais le premier chercheur, comme on disait à l'époque, recruté à plein temps en Tunisie dans la suite de ce projet qui avait commencé en 1979. En quoi consistait ce projet ? Ce projet consistait à microfilmer, encore la technologie, les archives qui concernaient l'histoire de la Tunisie coloniale, et rapporter les microfilms en Tunisie pour que les chercheurs tunisiens travaillent dessus. Voilà, c'était très branché à l'époque. C'était vraiment, alors là, c'était le top du top, comme on disait. Moi, je ne m'en suis pas aperçue du tout, parce que je connaissais plus. J'étais complètement innocente et naïve, mais je me rends compte. Oui, tout à fait. La naïveté, voilà, c'est quand même. On n'y peut rien. Je n'ai pas compris. C'était le seul poste où j'ai pu travailler. Donc, moi, c'était mon premier emploi. Donc, je n'ai pas vu que c'était le top du top de la technologie à l'époque. Pourquoi ? Parce que c'était un projet que l'on disait présidentiel, on était encore à l'époque de Bourguiba, et Bourguiba qui avait aussi un grand sens de l'histoire, on sait aussi qu'il a fait écrire aussi une certaine histoire officielle et tout, mais quand même avait fait créer ce projet avec un historien de l'époque qui est mort maintenant, qui s'appelle Charles-André Julien, qui est un grand historien de la Tunisie, mais qui lui-même avait une équipe scientifique, etc. Et donc c'est un projet scientifique, sous la houlette de Bourguiba, bien sûr, mais c'est un projet scientifique qui a été mis en place et qui était sous le label Programme National de Recherche sur l'Histoire du Mouvement National. Et on était à l'époque aussi dans la mode des programmes nationaux de recherche. Il y en avait beaucoup sur l'hydraulique, je crois, sur les forêts, etc. Et c'était le seul programme national de recherche sur les sciences humaines, et il était sur ce que l'on appelait à l'époque l'Histoire du Mouvement National. Et donc, moi, rentrant dans ce projet, qui avait déjà deux ou trois ans, j'ai dû alors apprendre un peu toutes les exigences ou tous les objectifs de ce projet. Je vous ai parlé donc de ce microfilmage, des lois et des contraintes de ce microfilmage, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pouvait aussi rapporter des microfilms en Tunisie pour que cela devienne une documentation de recherche. Et aussi, on devait travailler sur la manière dont les chercheurs devaient entrer ou pouvaient entrer dans ce matériel archivistique. Hein, comment est-ce que... Et on a commencé à concevoir à l'époque un mot qui me semblait très nouveau aussi pour moi, ce qu'on appelait une base de données, avec des ordinateurs, etc. On était basé aussi, on devait avoir un travail technologique extrêmement poussé, qui m'échappait complètement. Au Centre National Universitaire de Documentation Scientifique et Technique, j'ai dû prendre des cours d'informatique, de langage informatique, enfin, des tas de choses que j'ai... Mais oui, mais il fallait aussi que j'apprenne. Enfin, j'étais tellement ignorante de tout ça. Non, formée, c'est-à-dire voulant... sinon, j'étais complètement out. Je veux dire, il fallait bien que je me forme. Sinon, je ne comprenais pas du tout ce que l'on me demandait. Et donc, moi, j'ai passé plusieurs années, plusieurs mois, pas toute seule, mais j'étais la première, mais pas toute seule, avec des collègues, dont Habib Belaïd et d'autres collègues, avant que Hedi Jaleb arrive, donc à entrer dans ce projet qui était conquérant à l'époque. Très, là, on était contents, on avait de l'argent, on était basé à l'université, parce que ça, c'était une exigence. On avait beau avoir des politiques derrière nous, ils ne se sont jamais manifestés, ils ne nous ont jamais rien demandé. Et ce travail était un travail universitaire qui devait avoir un label universitaire. Nous étions devant une exigence aussi d'un travail universitaire. Et nous étions aussi dans un travail qui me plaisait beaucoup à l'époque, parce que c'était un travail de coopération. Et moi, fraîchement rentrée de France, j'avais fait ma licence en Tunisie et mon doctorat en France. J'étais très contente de pouvoir encore travailler en coopération avec la France. C'est-à-dire que c'était pour moi une sorte de retour qui justifiait un esprit de la coopération qui me plaisait beaucoup comme jeune chercheur. Alors, donc, dans ce programme national de recherche sur l'histoire du mouvement national, nous devions à la fois allier ces possibilités de l'informatique en ascension dans les années 80 et aussi ces besoins ou ces exigences de travailler sur l'histoire coloniale, que l'on n'a jamais appelée coloniale, qu'on a appelée l'histoire du mouvement national, parce que c'était les manières de dire chez nous. Et donc, voilà. Et nous en avons fait... donc, voilà, je suis le témoin un peu de ce projet qui a eu, tout à l'heure Hedi a parlé de continuité, qui a eu aussi beaucoup de discontinuité, parce que voilà, quand on est historien, on est toujours entre les continuités et les discontinuités. Il y a souvent des ruptures qui vous échappent, vous ne savez pas vous-même pourquoi vous avez un carton et pas l'autre, pourquoi est-ce qu'un projet commence et puis il ne s'arrête pas, pourquoi vous faites quelque chose, etc. Donc quand on est historien, on est tout le temps en train de composer avec les continuités et les discontinuités, pas seulement de la connaissance, mais là, pour le coup, moi, j'étais aussi devant des discontinuités technologiques. D'abord, un niveau technologique qui m'échappait, donc c'était moi qui étais en deçà. Donc la discontinuité, elle était de mon côté, si vous voulez, donc il fallait un peu que je rattrape. C'était trop top, peut-être pour moi. Et voilà, mais bien sûr, c'est très compliqué. Et moi, je prétends, et c'est peut-être en bavardant hier avec Delphine, je me rends compte aussi à quel point cette expérience m'a faite, m'a aussi a servi à me faire et à me faire évoluer et à comprendre beaucoup de choses. En technologie, c'est moyen, mais en termes de méthode ou de méthode de travail, moi, je crois que ça m'a énormément appris. Alors, quand je dois retourner sur ces choses-là, c'est comme une psychanalyse ou une anamnèse. Pas douloureuse du tout, hein, je vous avertis, ça n'a rien de douloureux. Mais comme quand même un retour difficile, parce que comme on évolue, on a du mal à revenir sur ce que l'on a été et dont on est sorti, en fait, d'une certaine manière. Mais moi, ça me plaît bien de le refaire aussi, non seulement avec des étudiants, des jeunes étudiants, mais aussi avec des collègues d'ici, parce que ça permet aussi de voir comment est-ce qu'un projet va et vient, il y a des flux et des reflux, et que même quand il y a un échec, parce que je vais vous parler aussi d'un échec de cette base de données, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais vu vraiment le jour, comment est-ce qu'on apprend quand même? C'est-à-dire qu'il y a aussi, je crois beaucoup maintenant à mon âge, à la pédagogie de l'erreur, c'est-à-dire que c'est en se trompant aussi qu'on avance et qu'on apprend. Et je crois que je ne suis pas sûre d'être la seule à avoir appris. Je pense aussi que, puisque tout à l'heure j'ai dit parler un peu de politique nationale, je pense aussi que dans une politique nationale, c'est-à-dire dans une prise de position collective, et depuis qu'on a la révolution, je crois que c'est des questions qui se posent avec beaucoup plus d'acuité, c'est en marchant qu'on apprend à marcher, donc c'est en se trompant aussi qu'on apprend à avancer. Et même les décisions que l'on est en train de prendre aujourd'hui sur un plan national, moi je les rapproche un peu de décisions qu'on a prises aussi avant sur le plan national et que j'ai apprises. Donc voilà un peu mon exposé un peu historien, de retour en arrière sur mon parcours scientifique et de cette première expérience que j'ai eue dans les années 80, quand j'ai commencé à être chercheur dans ce programme national de recherche sur l'histoire du mouvement national, cette base de données que l'on a commencé à faire avec mes collègues et aussi avec les moyens technologiques de l'informatique. Il fallait faire un bordereau, des champs de dépouillement, des métadonnées, de faire aussi un thésaurus, on le faisait à la main, c'était assez titanesque. On se disputait beaucoup sur la signification des mots, sur ce que voulait dire le mot nationalité par rapport au mot nationalisme, par exemple. C'était des jours et des jours de discussions que je ne regrette pas et qui m'ont fait retourner aux archives, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il fallait utiliser tel mot ou tel autre, comment on pouvait hiérarchiser les mots entre eux, comment est-ce qu'on pouvait allier à la fois l'organisation de l'administration coloniale avec les questions de recherche aujourd'hui dans un pays qui se retournait sur cette histoire coloniale, mais qui avait aussi envie de construire une connaissance nationale, si je puis dire, pour ne pas dire nationaliste. Moi, j'ai oublié les détails, mais pour le moment, je suis sûre que tout mon travail, il est un peu imbibé de tout ce travail-là, très artisanal, même s'il était face à une technologie très, très évoluée. Il était très, très quotidien et très artisanal. J'ai écrit beaucoup de papiers là-dedans. Ils sont beaucoup dans un bulletin qui s'appelle Wather. J'ai remarqué qu'il n'était pas complet ici. Je vais essayer de le compléter, puisque si vous voulez trouver des informations précises, elles sont dans les premiers numéros de ce bulletin qui s'appelle Wather, dont une partie existe encore ici. J'avais aussi écrit des papiers dans les cahiers de Tunisie parce qu'il y avait des collègues qui me demandaient aussi de rendre compte. Donc il y avait une sorte de petite curiosité autour de ce petit projet de l'époque qui semblait aux uns très politique, donc un peu suspect, mais qui a semblé aussi à d'autres peut-être un peu technique et avec des choses nouvelles. Donc voilà, c'était très mélangé. L'accueil était très, très mélangé. Et j'en ai aussi beaucoup parlé dans d'autres occasions. Mais c'est vrai que c'est une chose que j'ai complètement refoulée depuis parce que je crois que c'est en moi et je n'ai pas eu l'occasion tellement d'en reparler. Et je suis contente de pouvoir l'évoquer aujourd'hui. Alors, cette première période de formation chez moi autour de l'informatique et tout, je pense qu'elle n'était pas la seule en Tunisie, puisqu'on parle de projets nationaux, comme l'a dit tout à l'heure Hedi, à partir de 2011. Je crois que dans les années 80, il y a eu cet engouement pour l'informatique en Tunisie, dans plusieurs domaines. Dans le domaine de l'histoire, je crois qu'on était privilégiés par rapport aux sciences humaines et sociales, qui ne sont jamais des secteurs très gâtés en termes d'investissement, etc. Et la Tunisie ne fait pas exception à la règle. Mais je sais aussi par mon travail à cette époque-là qu'il y avait aussi une très grande avancée technologique dans le domaine agricole. Le CRDA, par exemple, le Centre de Recherche Agricole, qui a toujours été un secteur de recherche et d'administration politique, de politique agricole, très avancée depuis la colonisation, a eu aussi son engouement informatique, des bases de données très importantes, des chercheurs aussi, je crois que les chercheurs de l'IRD, mais un peu partout, peuvent aussi rendre compte un peu de tout ce matériel documentaire et informatique qui existe au Centre National de Documentation Agricole. Et nous avons, en tant qu'historien, moi aussi ça m'a beaucoup appris, beaucoup travaillé avec des agronomes qui étaient aussi un peu en amont du travail d'informatisation et de classement des données au CRDA de l'époque. Donc, un engouement qui était dans certains secteurs, et nous, on pouvait s'estimer heureux, comme historiens, d'avoir ce privilège, donc peut-être un privilège qui n'a pas été jusqu'au bout en termes de résultats, mais quand même c'était un privilège en termes d'apprentissage et de formation. Et puis, à mon avis, aussi des retombées après, parce que du coup, l'informatique est rentrée dans le domaine de l'histoire, après. Et des historiens, nos collègues s'en sont aperçus. Il y a eu des colloques, il y a eu des formations aussi, il y a eu des travaux. Des collègues historiens ont fait des travaux avec en créant des métadonnées, etc. Donc une thèse aussi sur la justice coloniale faite par Aline Oldin. La thèse d'Anne-Marie Planel aussi, qui est une thèse sur la colonisation, les Français de Tunisie au XIXe siècle, qui avait un matériel d'archives assez organisé pour pouvoir le traduire après sur le plan informatique. Et il y a eu aussi un travail dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire d'IRASET, qui était dirigé par Abdelhamid Hniya, et beaucoup de travaux autour de cet usage de l'informatique dans le domaine historique, mais toujours en fonction de travaux très précis et individuels. Alors que le projet où j'étais était aussi un travail collectif, d'abord, mais à prétention nationale aussi, un petit peu, quelque part. Je crois qu'il y avait quelque chose aussi, un peu des années 80, un peu de cette utopie des années 80, où on pensait que l'informatique, peut-être, résoudrait beaucoup de problèmes à la fois, ou en tout cas, ferait gagner beaucoup du retard dont on était conscient. Voilà. Moi, je me souviens encore de cette utopie, parce que j'y ai cru, moi-même, d'une certaine manière, en me disant, tiens, chic, alors, on va peut-être rattraper beaucoup du temps perdu. Voilà. Alors, encore une fois, donc ça c'est au moins 10, 15 ans, 20 ans, si vous voulez, de travail un peu artisanal, comme l'est le travail de chercheur, c'est-à-dire on prend là où on peut les choses. Et je crois que le deuxième grand tournant pour moi, ça a été la révolution, précisément, c'est-à-dire 2011. Et cette expérience de blog dont a parlé tout à l'heure Nicole Granet, c'est-à-dire que peut-être que dans mon inconscient ou dans mon subconscient, ça a joué, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas du tout. Mais après la révolution, je me suis mise à écrire, pas du tout en tant que chercheur, mais en tant que citoyenne, comme ça, des petits papiers à partir de janvier de 2011, pour essayer de comprendre en disant, mais qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, voilà, c'est tout. C'était pas du tout une intention, c'était pas une intention de recherche, c'était pas du tout une intention pour parler. Mais il se trouve que j'ai beaucoup d'amis historiens, etc., qui me disaient que ce que je disais était très intéressant, les intéressait beaucoup, qu'il leur faisait faire, non seulement qu'il leur expliquait des choses sur la Tunisie, mais qu'il leur expliquait des choses aussi comme ça. Et petit à petit, avec cet aller-retour qu'il y avait entre moi et eux, j'ai continué à écrire, en fait. C'est tout. J'ai continué mon chemin. Et au bout de 4 ou 5 mois, puisque Delphine Cavallo lisait un peu tous ses papiers, puisqu'elle faisait partie de mon cercle d'amis, et elle me dit en juin 2011, mais Kmar, il faut que tu fasses un blog, que tu ouvres un blog. Hein, voilà. Et je lui dis, c'est quoi? Elle me dit, elle m'explique, je ne sais pas si j'ai tout compris. Je lui dis, voilà, tu vas m'aider, puisque tu es persuadée que ces textes-là peuvent aller sur un blog. Elle m'a aidé donc à l'ouvrir, à le tenir, à avancer un peu dans cette nouvelle technologie, parce que pour moi, c'était une nouvelle technologie. Elle m'a dit, ça s'appelle carnet de recherche. Voilà, et petit à petit, j'ai commencé à écrire. J'ai continué à écrire un peu sur les journaux, toujours en me disant, voilà, moi je sors sur les journaux, ça c'était l'acte post-2011, et après, quand ça paraît sur les journaux, ben je mets ça sur mon blog, puisque c'était compatible avec, tout ça était compatible, moi j'étais contente de pouvoir faire ça et ça. Et en y réfléchissant, je me rends compte, parce que j'ai classé un peu tous ces papiers au fur et à mesure dans le blog, comme l'exige le carnet de recherche d'hypothèses, des classements par mots-clés, par catégorie, donc ce geste un peu de classement que l'on fait en soi. Après, on l'oublie. Et après, en revenant moi-même sur cette histoire-là, ce parcours un peu de blog, je me suis rendu compte que, en fait, j'ai eu des moments à la fois où j'étais historienne, plus historienne, des fois plus citoyenne, des fois, voilà. Donc des fois citoyenne, des fois historienne, des fois citoyenne, des fois historienne, selon ce qui se passait. Et je trouve ça assez magique, parce que d'une certaine manière, on est plus libre on n'est pas tout le temps tout, on n'est pas tout le temps tout, quoi. Même en tant que chercheur, et de pouvoir écrire. Moi, je continue à être très lente à la lecture, donc les articles scientifiques me prennent beaucoup de temps, de presque le temps d'un livre, et jamais j'ai écrit de livre. Je n'arrive pas à écrire un livre parce que je m'ennuie très vite. Je laisse tomber, c'est trop long, et tout. Et cette nouvelle temporalité que je trouvais dans les blogs, tantôt historienne, tantôt citoyenne, me plaît beaucoup. Donc je suis née trop tôt, peut-être par rapport à ça, et je suis arrivée très tard ou trop tard dans ce style du blog. Et voilà. Et en écoutant tout à l'heure Heidi parler, je me suis rendu compte que j'ai rendu compte aussi d'une conférence de Heidi où il parlait exactement des mêmes soucis entre qu'est-ce que c'est que le souci de l'historien par rapport au temps, etc. Et voilà. Et ça me permet surtout, ce blog, me permet de parler avec mes collègues et donc de parler d'eux et avec eux, en fait. Voilà. Et de Heidi Geleb, j'ai parlé une fois déjà, puisqu'il nous a parlé de ces choses-là à Tunis. J'en ai rendu compte en français. Lui, il en a rendu compte en arabe, etc. Et que moi, voilà, je n'ai pas parlé de cette question de langue qui me semble extrêmement importante aujourd'hui, la langue des sources, comme historienne. Tout à l'heure, Nicole a fait allusion aussi à la langue turque à cause des langues des sources ottomanes. Et ça aussi, pour moi, c'est un des problèmes de méthodes, mais d'épistémologie, etc., qui peuvent se poser aujourd'hui à l'heure de l'informatique, et que j'ai appris un peu au fur et à mesure à traiter au coup par coup, un peu pour trouver des solutions. Pour le moment, par exemple, avec les archives coloniales, nous avons surtout affaire à des archives en français. Ça pose un problème aujourd'hui pour les utilisateurs et pour nos étudiants, qui sont beaucoup moins performants en français qu'il y a 30 ou 40 ans, et donc il va falloir aussi résoudre ces problèmes-là d'exploitation, de connaissances, etc. Et donc tous ces problèmes qui peuvent être pour moi des problèmes de méthode et épistémologie que je peux poser et avec lesquels je peux engager une discussion ou un débat. Et le blog me semble vraiment un outil très adapté, parce qu'un blog, c'est à la fois un moment très intense dans lequel vous pouvez tout dire, ça, et un moment aussi dans lequel vous pouvez fixer des problèmes qui se posent à ce moment-là et qui peut-être après se volatilisent. Donc cette volatilité et ce côté éphémère de l'informatique peut avoir aussi des avantages. On peut pouvoir l'utiliser comme chercheur. On n'est pas obligé de rester dessus. On peut oublier après. En fait, quand on a un blog, on peut oublier. On se permet d'oublier puisque c'est dans le blog. Et moi, je trouve que c'est une libération, d'une certaine manière. Enfin, c'est une forme de... On n'a plus ce souci de durer tout le temps, d'avoir raison tout le temps. C'est pas la peine, quoi. On pense une chose, on la dit sur un blog, et on s'en va ailleurs. Et je pense, moi, ça va très bien avec ce que... Voilà, ça va très bien avec ce que j'aime faire, c'est-à-dire penser puis partir. On n'est pas obligé de penser tout le temps, on n'est pas obligé d'avoir raison tout le temps, on n'est pas obligé de comprendre tout le temps... Voilà, un moment et puis on y va. Mais c'est quelque part, c'est mis quelque part et des gens vous ont lu ou vous auront lu ou pourront vous lire. Et ça, je trouve que c'est une forme, voilà, c'est beau, quoi. Je trouve que vous dites une chose et ça ne s'en va pas dans l'air. Ça me plaît assez. C'est comme les performances, un peu. Voilà, ça me plaît beaucoup. Moi, je trouve que le blog, c'est quand même assez génial. Ça sent parce bon que pour, voilà, vous faites ça et vous êtes sûr que c'est pas perdu. C'est assez formidable, je trouve. C'est quelque part, ce n'est pas perdu, et c'est assez gratifiant. Sauf si un scratch du serveur. Ouais. Oui, mais on peut mourir aussi, je veux dire, c'est encore pire, mais ce n'est pas grave. Mais je veux dire, dans votre acte de parler, et de communiquer, parce qu'un blog, c'est ça, vous mettez devant, hein, et vous dites, je vais parler de quelque chose à des gens, je ne sais pas qui c'est, qui vont me lire et tout. C'est très gratifiant. C'est très, très gratifiant. Moi, j'ai oublié des tas de choses que j'ai écrites. J'ai vu tout à l'heure que j'ai parlé, page 80, parce que j'en ai fait un livre, j'ai relu tout à l'heure. Eh bien, j'ai parlé de cette loi dont parlait Heidi tout à l'heure. Je suis très contente de l'avoir... Voilà, ça veut dire qu'on était sur la même longueur d'onde, lui et moi, il y a 4 ans, et puis voilà. Et lui, il a dit, il y a la même complémentarité. Tout à l'heure, Heidi a dit, il y a une complémentarité entre la loi de 1988 et cette loi sur l'accès aux archives. Eh bien, je l'ai dit, moi aussi. Et je me dis, tiens, voilà, je l'ai dit, page 94, voilà. Et je l'ai dit dans ce blog-là et tout. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît parce que les blogs, aujourd'hui, permettent beaucoup plus de croisements, beaucoup plus de rencontres. C'est-à-dire à la fois cette intemporalité et de nouveaux rendez-vous. On peut avoir de nouveaux rendez-vous. D'interactivité. Et je vois que j'ai pensé la même chose que Hedy à plusieurs moments. C'est pas étonnant. On est de la même génération, on a travaillé ensemble. Il est historien, moi aussi. Bon, maintenant, il préside une grande institution, c'est un Deus ex machina. Moi, je suis un chercheur dans mon côté, mais ça fait rien. Ça veut dire qu'on est proches. Enfin, on fait pas le même job. Mais on se recoupe tout le temps, on s'entend. C'est de l'entente, enfin, c'est une forme d'entente. Et pour la Tunisie de 2011, croyez-moi, c'est pas rien. Parce que la Tunisie de 2011 aussi doit reconstruire autour de beaucoup de discontinuités, au cours de beaucoup de ruptures, quelque chose d'autre pour l'avenir. Et donc voilà, donc, ce sont des expériences qui sont intéressantes pour reconstruire ce que nous devons reconstruire. Il n'y a pas seulement les pillages, les incendies, etc. Mais il y a l'histoire mal faite, pas complètement faite, la recherche qui n'est pas vraiment développée en Tunisie, parce qu'il faut la développer encore plus, qu'il faut... Je ne parle pas de réforme de l'enseignement, puisque, voilà, sinon... Il y a aussi une réforme de l'enseignement à faire, bien sûr, y compris dans l'enseignement supérieur. Quelles sont nos méthodes? Quels sont nos moyens? Qu'est-ce qu'on doit transmettre? Qui sont des questions importantes aujourd'hui dans la recherche en Tunisie. Moi, le blog me sert un peu à parler comme je vous parle maintenant, c'est-à-dire de faire beaucoup de liens, de faire des petits flashs sur ce qui nous préoccupe et de remarquer aussi ce qui se fait par ailleurs. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font par ailleurs en Tunisie et qui font tilt un petit peu. Ça veut dire aussi qu'il y a d'autres groupes qui réfléchissent à ces choses-là. Tout à l'heure, Hedy a parlé de ce projet de numérisation des archives de la Révolution tunisienne que Jean-Marc Salmon a commencé à entreprendre avec beaucoup d'institutions comme l'Institut supérieur de documentation, avec aussi des profs, en tout cas de cet institut, et qui sont pour le moment en train de mettre en forme tout le protocole. Ça m'a rappelé un peu le protocole qu'on avait mis pour cette base de données informatique qu'on avait commencé. Mais ce dont je suis contente, c'est qu'on va confier ça à des étudiants de master. Et ça, je pense que c'est une des attitudes clés de l'après-révolution. C'est-à-dire d'ancrer un peu ce travail-là, de ne pas le donner comme on l'a donné dans les années 80 à des chercheurs accomplis, mais à des chercheurs en train de se faire. Et je pense que cette réconciliation est l'effet du temps, mais c'est un apprentissage. En fait, c'est une leçon. Parce qu'on nous a donné à nous un travail à faire comme si c'était vraiment une maison à bâtir pour les autres. Et en fait, non. Aujourd'hui, je pense que d'abord parce que l'informatique est beaucoup plus développée, parce que les jeunes connaissent un peu l'informatique, eh bien, il faut leur mettre entre les mains ces projets-là, même s'ils sont ambitieux, il faut leur donner aussi l'occasion de construire, eux, leur propre travail de master. Et je pense que ça, c'est un apprentissage de l'histoire ou de la révolution, j'en sais rien. De confier ça à des étudiants de master, je pense que c'est un progrès par rapport aux années 80 où on a donné ça à des chercheurs accomplis. Et voilà, et je pense qu'il faut le donner aussi à des chercheurs en cours de route, parce que les chercheurs en cours de route peuvent apporter à la fois la fraîcheur de leur formation, mais aussi leur familiarité. Hein, moi, je n'étais pas familière du tout et j'ai dû perdre beaucoup de temps. Maintenant, n'importe quel jeune est familier et donc il peut avoir aussi, lui, des questions nouvelles. Et l'autre chose dont j'ai entendu parler aussi en Tunisie et qui me semble extrêmement prometteuse, et Hedy tout à l'heure y a fait allusion, c'est le projet de numérisation des archives à la BN. Enfin, ce n'est pas des archives, des revues et des périodiques. Ça aussi, je suis très sensible à ce matériel parce que la Tunisie a toujours été une très grande productrice de journaux et de revues. C'est une des marques de sa vie intellectuelle, si vous voulez, plus productrice de journaux et de revues que de livres, au fond. Et je pense que ce matériel, qui est maintenant un matériel historique extrêmement important, porteur aussi de nouveaux questionnements, je pense que ce projet de numérisation de la Bibliothèque nationale, qui est relancé... Également. Aux archives nationales. On a numérisé toute la collection du BEST, voilà. Le bulletin économique et social. Voilà. Et tout ça, moi, ça me semble être des... Voilà, c'est un peu comme tous les projets dans une vie, on peut reprendre les choses un peu comme ça, en retournant dessus, en essayant d'éviter les erreurs du passé. On n'est pas sûr d'éviter les erreurs du présent et du futur, mais quand même, on en tire des leçons. Et moi, je trouve que, comme historienne, je sais pas, c'est pas seulement la Révolution, ça vous donne des leçons un peu sur à la fois la profondeur des histoires, le fait de revenir dessus. Et je pense, comme scientifique, comme historien, la Révolution tunisienne aussi est une sorte de leçons perpétuelles, à la fois sur le métier, sur le rapport des archives, de l'information, à quoi ça sert aujourd'hui. Bien sûr que ça sert à la démocratie, Mais comment est-ce que la connaissance peut servir la démocratie? C'est important aussi. C'est un peu plus compliqué à poser, parce que c'est pas seulement que c'est plus technique. C'est aussi beaucoup, parce que c'est aussi épistémologique. Voilà. Le rapport à la connaissance, entre la connaissance et la démocratie, est un rapport épistémologique. Ce n'est pas seulement un rapport d'accès. C'est un rapport aussi de type de questionnement. Et je pense que la révolution tunisienne, nous, en tant que chercheurs, nous permet aussi de nous poser ces questions-là, qui sont des questions de fond. On ne va pas les résoudre demain. On ne va pas devenir un pays extrêmement savant et extrêmement démocratique demain, c'est sûr. Mais on peut aussi être dans ce processus qui consiste à construire encore une fois et la connaissance et la démocratie, clopin-clopin, cahin-cahin, mais avec l'informatique aussi, qui est aujourd'hui à notre disposition et qui est beaucoup plus familière aux étudiants d'aujourd'hui qu'à l'étudiante que j'ai été en 1980. Voilà. J'espère, je ne sais pas si... C'est très bien.